Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahu Allah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد nous avions évoqué la discussion entre Moussa alayhi salat wa salam et Pharaon. Moussa alayhi salat wa salam recentra ses propos sur la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Pharaon l'a contesté ouvertement, mais il y était persuadé intimement. Il lui présenta des arguments conceptuels et physiques sur la véracité de son message. Des arguments censés le faire réfléchir et méditer sur son cas. Lui qui a prétendu être le Seigneur, le Très-Haut. قال الله جل وعلا فحشر فنادى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى La Sourate 79, les versets 23 et 24. Il rassembla les gens et leur fit une proclamation et dit « C'est moi, votre Seigneur, le Très-Haut. » Comme il prétendit être celui digne d'adoration. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي Sourate 28, verset 38. Et Pharaon dit « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. » Moussa alayhi salat wa salam se confronta donc à une tête de l'égarement, à un roi pratiquant le mal et appelant au mal. Deux personnes que tout oppose. Un des plus grands châtiments que le serviteur peut subir est qu'il soit un guide dans le mal, appelant à lui comme un des plus grands bienfaits dont peut jouir le serviteur et qu'Allah fasse de lui un guide dans le bien, bien guidé, et appelant les gens à cette guidée. C'est pour cette raison qu'Allah dira de Pharaon et de ses notables وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ Sourate 28, verset 41. Nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu. Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Des dirigeants, des guides, des imams. Dans le même temps, Allah tabaraka wa ta'ala va qualifier ses prophètes et ses messagers en disant وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Sourate 21, verset 73. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et ils étaient nos adorateurs. Des imams du mal et des imams de bien. Allah dit tabaraka wa ta'ala إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَكُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُرُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَهْرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى سورة 20 verset 40 à 46. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait « Puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui ?» Ainsi, nous te rapportâmes à ta mère afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis, tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite, tu es venu, ô Moussa, conformément à un décret, et je t'ai assigné à moi-même. Pars, toi et ton frère, avec mes signes, et ne faiblissez pas à m'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis, parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ils dirent, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Il dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, Allah dit en s'adressant à Moussa, alayhi salatu wa salam, la nuit où il lui fit la première révélation, le combla par la prophétie et s'adressa directement à lui, je te voyais alors que tu étais dans le palais de Pharaon, tu étais sous ma protection, ma préservation et ma compassion. Je t'ai ensuite fait quitter l'Égypte par ma volonté et mon pouvoir, par ma gestion aussi, et tu y demeuras quelques années. Ensuite, tu es venu ô Moussa conformément à un décret, c'est-à-dire conformément à mon décret et ma volonté. Et je t'ai assigné à moi-même, je t'ai choisi pour porter mon message et en te parlant sans intermédiaire. Pars toi et ton frère avec mes signes et ne négligez pas de m'invoquer. Ne vous lassez pas de m'évoquer lorsque vous vous présenterez devant lui, car cela vous aidera à lui parler, à lui répondre, à le conseiller et à argumenter contre lui. Allah dit tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, iza laqitum fi'atan fathbutu, wazkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun. Sourate 8, verset 45. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez ferme et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, va souligner deux choses importantes ici, notamment lors de la prédication, lors de la da'wah. La première d'entre elles est le zikr, l'évocation d'Allah. À cet effet, Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit, wa aqimi salata li zikri. Ce sont les premières recommandations d'Allah envers Moussa, alayhi salatu wa salam, et accomplis la salat, la prière pour le souvenir de moi. Le verset 14, la sourate numéro 20. Le serviteur a été créé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et son évocation. Il y trouvera son salut et sa réussite. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala enjoint son messager à accomplir la prière, c'est pour réaliser cet objectif. Car s'il n'y avait pas cette prière qui se répète plusieurs fois dans la journée et la nuit, et qui rappelle aux croyants leur Seigneur, dans laquelle ils lisent le Coran, ils louent Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'invoquent, ils s'humilient devant lui, sans cette prière, il serait certes parmi les insouciants. Les adorations, quelles qu'elles soient, sont une forme d'évocation et de zikr d'Allah tabaraka wa ta'ala. De plus, le zikr facilite la mise en pratique des actes d'obéissance. Il permet de se confronter aux despotes, aux oppresseurs et aux tyrans. Et il allège la personne lorsque celle-ci appelle les gens à Allah tabaraka wa ta'ala et les invite vers lui. Nous avions évoqué cela lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en reprenant les propos de Moussa, « Kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira » La sourate 20, les versets 33 et 34. Lorsque Moussa avait demandé plusieurs choses à Allah tabaraka wa ta'ala, notamment qu'il l'assiste de son frère Haroun, il dira à la fin, « Afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. » De même, dans les versets que nous avons cités un peu auparavant, Allah tabaraka wa ta'ala dira, « Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi zikri. » Pars toi et ton frère avec mes prodiges et ne faiblissez pas à m'invoquer. On constate que un des fils conducteurs de cette sourate Taha, qui reprend en majeure partie le récit de Moussa avec Pharaon, est l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-zikr. En conclusion, le zikr permet au serviteur de se rappeler de son Seigneur et de ne pas tomber dans l'insouciance. Deuxièmement, il facilite toute confrontation avec des tyrans ou des despotes. Troisièmement, il allège la personne qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala. Quatrièmement, il facilite la mise en application des actes d'obéissance. La deuxième chose que souligne l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, à travers ses propos, est la douceur que l'on doit avoir lorsque l'on invite les gens à la vérité. Lors de la prédication, il convient de s'adresser aux gens avec douceur et affabilité, faire preuve de patience et de mansuétude. C'est la base de la prédication, surtout si cette prédication est adressée au roi et au souverain. C'est de cette façon que le message est plus à même d'être compris et sera de ce fait moins parasité par la dureté et la colère. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala enjoindra les deux messagers Moussa et Haroun à faire preuve de douceur. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Sourate 20, versets 43 et 44. Allez vers Pharaon. Il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui avec douceur. Cela a pour effet de forcer la personne à se rappeler de ce qui lui est profitable, et il le fera, ou de craindre ce qui lui est nuisible, et il s'en écartera. C'est pour ceci qu'Allah dira juste après, « لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى » Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, dit à cet effet. Ceci est une marque de la compassion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de sa générosité, de sa douceur et de sa miséricorde envers ses créatures. Car il connaît la mécréance de Pharaon, sa tyrannie et son arrogance. Et bien qu'il soit la plus vile des créatures, il leur envoya les meilleures de ses créatures de l'époque, leur ordonnant de lui parler gentiment et avec douceur, comme on le ferait avec celui dont on espère le voir se rappeler d'Allah et le craindre. Ainsi qu'il dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, « Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana wa jadiluhum billati hi ahsan » Sourate 16, verset 125. « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. » Ou encore, « وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ » Sourate 16, verset 125. « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. » Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit à propos du verset, « Puis parlez-lui avec douceur, c'est-à-dire excuse-le ou excusez-le et dites-lui, tu as un Seigneur, un lieu de retour et ta demeure finale sera le paradis ou l'enfer. » Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, a dit quant à lui, « Dites-lui que je suis prompt à pardonner et à absoudre qu'à mériter et à châtier. » Yazid al-Raqqashi, rahimahullah, a dit au sujet de ce verset, « Ô toi qui cherches l'affection de celui qui prend Allah comme ennemi, que feras-tu avec qui le prend pour allié et l'invoque ?» Fin de citation. Moussa alayhi salat wa salam respectera ce principe et cet ordre divin. Il dit à Pharaon, فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى Sourate 79, versets 18 et 19. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Le style employé par Moussa alayhi salat wa salam est propice et convenable. « Voudrais-tu te purifier ?» lui dit-il. « Qui n'aimerait pas se purifier ?» Car en disant cela, il aiguise la curiosité de Pharaon et le tient en haleine. Alors que ce dernier est tout oui, il peut ainsi lui adresser le message dans toute sa clarté, « Que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. » De plus, Moussa alayhi salat wa salam n'a pas utilisé le nom d'Allah, car Pharaon ne le connaissait pas. Et même s'il le connaissait, il l'aurait rejeté du premier coup, car ce dernier adorait d'autres divinités. C'est pour cette raison que Moussa alayhi salat wa salam fut précautionneux et l'invita à son seigneur. Pharaon, reconnaissant un seigneur, ne s'opposerait pas à la parole de Moussa, pensant qu'elle ne contredirait pas sa croyance. Et Moussa alayhi salat wa salam en profiterait donc pour lui transmettre son message comme une porte d'entrée en quelque sorte. Moussa alayhi salam, dans ce même registre, lui dira aussi « Wassalamu ala man ittaba'a al-huda » Sourate 20, verset 47 « Et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. » C'est ainsi que débuta ce débat entre la vérité et le faux, entre un guide vers la vérité et le bien et un autre vers le faux et le mal. Moussa alayhi salam fut doux et léger dans ses propos. Son but était de guider Pharaon vers la vérité et son salut. Il accentua ses propos sur la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, chose ancrée dans chaque être humain du fait de la saine nature sur laquelle il naît. Mais Pharaon s'entêta et fit preuve de virulence dans ses propos. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dit: lorsque les arguments furent tous contre Pharaon et que les ambiguïtés qu'il produisait furent balayées, il lui resta que l'entêtement et le recours à son pouvoir, son rang et à l'agression. Il dit: قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Sourate 26, les versets 29 à 33. Si tu adoptes, dit Pharaon, une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. Et même si je t'apportais, dit Moussa, une chose, une preuve évidente, apporte-la, dit Pharaon, si tu es du nombre des véridiques. Moussa jeta donc son bâton et le voilà devenu un serpent manifeste. Il tira sa main et voilà qu'elle était blanche, c'est-à-dire étincelante, à qui la regardait. Ce sont là deux preuves par lesquelles Allah a assisté Moussa, le bâton et la main. Par cet acte extraordinaire, il émerveilla les esprits et les regards. Lorsqu'il jeta le bâton et que celui-ci se transforma en un serpent énorme, terrifiant et éblouissant, Pharaon ne sut que répondre. Ensuite, Moussa, alayhi salat wa salam, introduisit sa main dans le col de sa tunique et la fit sortir, aussi étincelante que la lune, d'une lumière éblouissant les regards. En la réintroduisant dans le col de sa tunique, elle reprenait son aspect normal. Mais tout cela ne fut d'aucune utilité à Pharaon, qu'Allah le maudisse, qui persista sur ses positions et dit que tout cela n'était que de la magie. Il voulut l'opposer aux sorciers et fit venir de tout le royaume tous ceux qui étaient sous son autorité et son joug. Nous verrons plus loin comment Allah fit apparaître la vérité dans toute sa splendeur et les preuves irréfutables contre Pharaon, sa cour et ses partisans, et c'est à Allah que reviennent la louange et les faveurs. Fin de citation. Comment Pharaon allait réagir devant cette évidence? Comment allait-il se débarrasser de cet orgueil qui l'empêchait de voir la vérité? Comment allait finir ce débat et cette discussion? C'est ce que nous verrons dans les cours prochains, Incha'Allah tabaraka wa ta'ala. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.